Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons ouvrir l'émission sur une discipline du génie un peu oubliée. On parle en effet de génie civil, de génie mécanique ou électrique, mais on parle beaucoup moins souvent de génie chimique. Et pour nous ouvrir la porte à cette discipline, eh bien, rien de mieux que de parler avec le directeur du département de génie chimique à l'Université Cité Laval. Il se nomme Bruno Gaillet et il est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Gaillet. Bonjour Valérie. Alors, si on commençait par définir le génie chimique, est-ce que c'est possible de définir le génie chimique? C'est tout à fait possible. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le génie chimique, la terminologie en tant que telle, c'est une terminologie d'Amérique du Nord. Donc, si on se réfère un peu à ce que le génie chimique se définit en Europe, on appelle plus ça le génie des procédés. Mm-hmm. Donc, on peut donner une définition du génie chimique, ça revient en fait à concevoir, en fait, à mettre en œuvre et optimiser tout ce qui est les procédés de production à l'échelle industrielle. Donc, ce n'est pas exclusivement réservé à la chimie, c'est tout ce qui se rapporte aux procédés, en fait. Ah, d'accord. Donc c'est des façons de fabriquer, de produire, c'est comment développer sur une chaîne industrielle la production ou la fabrication de quelque chose qui n'est pas nécessairement chimique? C'est ça, comme par exemple, si je prends un exemple tout bête, la fabrication de médicaments. Donc, ça reste une molécule chimique, là, mais après, il y aurait la fabrication de produits alimentaires, il y aurait la fabrication de matériaux, comme par exemple, il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour tout ce qui est les bioplastiques. Il y aurait les applications dans le domaine pétrolier, il y a les domaines d'application dans le domaine domaine minier, par exemple. Ah oui. Donc, c'est vraiment pas exclusif, on va dire, à la chimie. C'est plus par habitude. Les gens ont appelé ça génie chimique. Mais comme je dis, le vrai terme en tant que tel, on devrait appeler ça génie des procédés. D'accord, génie des procédés. Donc là, on voit quand même un petit peu mieux de quoi il s'agit, mais ça nous laisse un petit peu dans le vague. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de ces procédés? Oui, je peux vous donner un exemple concret, par exemple, en génie alimentaire. Donc, si par exemple... on considère qu'on veut faire une cuisson très simple, une préparation de raviolis, on va rester très basique. Si on fait ça à petite échelle, on va dire, c'est-à-dire qu'on ne considère pas un procédé à grande échelle, cuire des raviolis, préparer des raviolis, c'est pas très compliqué. Ça prend de l'eau, on fait bouillir de l'eau dans une casserole, on ajoute des raviolis à la main dans la casserole, on fait cuire 3 minutes, ensuite on les égoutte à l'aide d'une passoire et finalement on mélange la sauce. Donc, à petite échelle, ça pose pas vraiment de problème. Mais si on considère plus la grande échelle, c'est-à-dire là, disons qu'on veut préparer des raviolis pour, 400 invités, donc là, ça prend du ravioli. Donc, comment on va faire pour, par exemple, quel récipient on va prendre pour cuire les raviolis? Est-ce qu'on va prendre une casserole qui va faire 200 litres ou est-ce qu'on va prendre 100 casseroles de 2 litres? Exemple. Ensuite, comment on va faire pour chauffer la casserole? Parce que si on prend une casserole de 200 litres, le système de chauffage ne va pas forcément être le même qu'une casserole de 2 litres. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite si, par exemple, on introduit le premier ravioli, mais entre le temps d'introduction du premier ravioli et du dernier ravioli, peut se passer, par exemple, un certain nombre de minutes. Ah oui, les premiers vont être cuits quand on va seulement finir de terminer, de mettre les derniers. C'est exactement ça. Donc, mais considérons qu'on arrive à régler ce problème-là. Ouais. Ensuite, il faut les récupérer. Donc, comment on arrive à récupérer des raviolis qui sont cuits, donc qui sont relativement fragiles? Donc comment on fait ça à grande échelle? Donc ce n'est pas forcément évident non plus. Et finalement, la dernière étape, comme je dis, on mélange les raviolis à la sauce. Donc là, il faudrait ce qu'on appelle un mélangeur délicat à grande échelle. Donc ce n'est pas forcément non plus très facile à designer ce type d'équipement-là. Ouais, ce n'est pas juste une grosse fourchette. C'est ça. C'est un peu plus compliqué. Puis de ce que je conçois aussi, c'est que ça fait intervenir plusieurs procédés physico-chimiques. Parce qu'il faut prendre en compte la répartition de la chaleur dans l'eau, ou même dans la casserole elle-même, vitesse de cuisson, etc., puis la consistance. Il y a beaucoup de disciplines, en fait, qui sont associées au génie chimique. Il y a des aspects de thermodynamique, il y a des aspects de transfert de chaleur, il y a des aspects de génie mécanique en tant que tel, comment on va agiter. Donc il y a beaucoup de disciplines associées au génie chimique. Là, c'est pas une discipline en tant que telle, c'est beaucoup de disciplines qui sont regroupées ensemble et qui forment en fait les sciences de l'ingénieur chimique. Puis vous parliez précédemment là de fabrication de médicaments, par exemple. Donc qu'est-ce que ça peut être? Donc par exemple, si on prend un cas assez simple, par exemple l'insuline. L'insuline c'est une protéine là, qui est produite naturellement par le corps humain. Donc ceux qui en ont pas en fait ont le diabète là, pour résumer. Mais disons qu'on veut produire de l'insuline à grande échelle. Avant, ça se faisait à l'aide, en fait, c'était de l'extraction de l'insuline qu'on faisait directement dans le pancréas de porc. Et c'était ça qu'on injectait chez le patient. Donc, il y avait des problèmes liés, en fait, aux réactions immunitaires associées à l'injection d'insuline porcine. Donc, ce qui a été développé, en fait, par la suite, c'est un procédé, on va dire, biotechnologique, où là, on a modifié une bactérie pour qu'elle exprime, en fait, une grande quantité, en fait, d'insuline. Donc, ensuite, ce qu'on a fait, ce que des chercheurs ont fait, c'est de mettre à l'échelle ce procédé-là. Donc là, il y a beaucoup aussi de défis associés à ça, là, parce que l'insuline, c'est pas forcément une protéine qui se produit très très bien non plus. C'est pas facile de la récupérer. Et surtout, quand on dit qu'on veut considérer un procédé de production d'insuline, c'est pas uniquement, on va dire, la culture de la bactérie dans un gros réacteur, là. C'est tout ce qu'il y a en amont aussi, la construction de la bactérie en tant que telle, parce que le gène de l'insuline, il faut bien l'introduire dans la bactérie. Donc là, on est dans le génie génétique. C'est ça, donc il y a des méthodes de génie génétique, mais en fait appliquées, on va dire, au développement de procédés. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement d'insérer le gène dans la bactérie, c'est de faire en sorte que la bactérie qui va être générée produise une quantité maximale d'insuline. Oui, d'accord. Donc généralement, à l'échelle fondamentale, on s'arrête, on introduit le gène, et puis on regarde si ça produit, puis c'est tout. Là. Mais à l'échelle, on va dire, industrielle, nous, ce qui nous intéresse, c'est de sélectionner la meilleure bactérie, celle qui va produire le plus d'insuline. Parce que c'est bien beau, on aura beau essayer d'avoir le meilleur procédé au monde en optimisant les conditions de culture, la récupération de l'insuline. Mais si au départ, votre bactérie que vous utilisez, elle n'est pas optimisée, vous ne produirez pas grand-chose. Oui. Donc, de ce que je vois, c'est quand même assez diversifié parce que vous l'avez évoqué, on peut aussi aller dans les mines aussi, le génie environnemental. Donc, ça chevauche d'autres disciplines de génie. Et nécessairement, du fait de cette diversité d'applications, j'imagine que pour chaque produit, c'est un travail différent, c'est un procédé de fabrication bien spécifique avec des exigences spécifiques. C'est ça, il n'y a pas un procédé qui est pareil. Mais par contre, les sciences à la base du génie chimique peuvent être appliquées dans tous les domaines. Donc, par exemple, un ingénieur chimiste qui travaille au début dans le domaine alimentaire ou dans le domaine plus, on va dire, biopharmaceutique, comme par exemple la production d'insuline, il n'aura pas du tout de mal ensuite à réorienter sa carrière dans le domaine alimentaire. Puisque les opérations unitaires qu'on appelle, c'est-à-dire les étapes du procédé, le principe de base reste le même. C'est certaines spécificités ensuite là, liées en fait à la molécule qu'on veut produire. Mais en fait, tous les ingénieurs chimistes peuvent travailler dans tous les domaines. D'accord. Et quels sont les critères à prendre en compte quand on design le procédé, ce procédé de fabrication? Il doit y avoir des contraintes, des designs. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être la quantité du produit final? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je vous dirais bien honnêtement, ce qui fait en fait le design du procédé, c'est le prix de revient ou le prix de vente du produit qu'on a à la fin. Oui, c'est vrai. Donc, par exemple, on prend un plastique quelconque, ou de l'essence, ou du biocarburant, c'est certain que le prix de vente de ce produit-là n'est pas très élevé. Donc c'est certain que le procédé qu'on doit utiliser ne doit pas être cher. Il doit être peu coûteux. Je prends souvent l'exemple de... On produit un médicament, par exemple l'érythropoïétine, qui est une protéine. Cette protéine a un prix de vente de 1 million de dollars le gramme. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, c'est certain que là, le procédé, on peut l'optimiser, on peut beaucoup travailler sur la qualité du procédé parce qu'on sait qu'au final, notre produit, on va le vendre cher. Ouais. Contrairement, par exemple, à une enzyme, qui est aussi une protéine qu'on va utiliser dans l'industrie des pâtes et papiers. Là, l'enzyme, elle va être utilisée pour dégrader certaines molécules qui sont présentes dans les plantes, là, pour générer de la pâte à papier. Mais c'est certain que le produit final n'a pas beaucoup de valeur, là. Donc, votre procédé, vous ne pouvez pas l'optimiser de telle façon à avoir quelque chose de très, très pur. Par exemple, si on considère la production de l'enzyme en tant que telle, on ne peut pas travailler avec une enzyme qui est très, très purifiée, très, très caractérisée. Ça va nous coûter beaucoup trop cher. D'accord. Puis, finalement, aussi, du fait de cette diversité d'applications, j'imagine qu'on trouve des ingénieurs chimistes dans un peu toutes les branches de l'industrie. Comment se placent les ingénieurs chimistes qui sortent du département de génie chimique? Ils se placent très bien. Il y a quelques années, ils étaient beaucoup placés dans le domaine pétrolier. Il y a eu un peu une réorientation en raison de la crise pétrolière qu'il y a eu notamment dans la région de Montréal-Nord, là. Mais maintenant, la plupart travaillent dans les cabinets de génie conseil. Ils travaillent beaucoup dans tout ce qui est domaine des procédés verts. Production, par exemple, de biocarburants, production de biopolymères. Tout ce qui est procédés verts, ce qu'on appelle le génie vert, et c'est beaucoup en demande. Le génie chimique s'en va beaucoup dans cette direction-là. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'ingénieurs chimistes qui se réorientent qui s'orientent en fait dans ce secteur-là, là, où il y a quand même beaucoup de débouchés, mais le reste, c'est du classique, c'est quand même le génie conseil. Beaucoup qui sont aussi ingénieurs miniers, qui travaillent comme ingénieurs de terrain dans les mines. Mm-hmm. Il n'y a pas vraiment de problème, on va dire, pour nos finissants, ils arrivent quand même à bien se placer. Mm-hmm. Et pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent toujours faire des études graduées et finir éventuellement professeur. Mmh. En tout cas, je retiens qu'il y a une branche donc en développement, c'est le génie vert. Ça vaudrait peut-être le coup qu'on en reparle. En effet, oui, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et puis bon, on voit que finalement, c'est comme un peu, c'est surprenant finalement parce qu'ils sont répandus dans diverses branches de l'industrie et finalement on n'en entend pas vraiment parler, on les ignore un petit peu. Alors merci beaucoup Bruno de nous avoir présenté ces ingénieurs chimistes. Merci Valérie. Et puis donc je rappelle que Bruno Gaillet est professeur et directeur du département de génie chimique à l'Université Laval. Nous on va faire une petite pause sur CKRL au 89.1 et au retour Camille Bévincent nous parle des aérosols qui pourraient tuer les virus pathogènes de l'air.